patch, mettre un max dans la Banks Banks. Donc, j'ai viscère de ta tox, pas pour la femme, demande à mon gang gang. Les meilleurs CLZ, phrase de Zeb, demande pas comment va le bail, il est méga LZ, donc c'est normal que la bouta elle veut. Eh, les meilleurs c'est Lyon Zion, fuck ceux qui se barrent, demande pas comment vont les trucs. Ils sont très gros, c'est dans ta tête, dans ta chevaux qu'elles vont. A la base, nous on les baise, on te puffait par la bise. T'es pire qu'une chinec, t'es là que pour gratter la cheese. A la base, nous on les blesse, on te puffait par la bise. T'es pire qu'une petite chatoune là que quand j'ai de la tige. Bientôt je suis ton idole, va bosser à Lidl pour t'acheter du culin. Je me sens comme dans Kingdom Earth. Lyonzon on commet des meurtres, fuck un Digimon. Fuck une flûte émo, c'est depuis t'es à l'école. J'ai lancé la démo, ils ont mangé le béton. Dodo comme Pauline quand t'as pu dans le biberon. Là je suis en Y sans tenir le guidon. Mes poumons sont noirs, foncés comme Ekon. Yes. Petit comme un Pékin, t'es juste un directeur et on va t'éteindre, hein. Y'a de la place pour ces consensus, mon flow sur ces bâtards, je vais t'éteindre, hein. Je reconnais le parfum du cage, sorti et maintenant je sais très bien où il se cache. Sûr, ça fâche, je vais lâcher une tâche. Ta salope elle est pitée sous taze. Ça tue en lion, ils ont dans le casque. A chaque fois que je prends la prise jack. Fais attention à tes actes. Le Vuitton lumineux sur le sac. In zona siamo capi, pilastro come Xavi. Miami o non Miami, sciabolata agli infami. Bitch, perché richiami? Sei fuori dai miei piani. Me ne lavo le mani, a casa buia radi. Non fare il Django su Coco, molti sono partiti per gioco. La mia lama sopra un nodo, sempre più in alto sono l'1%. Niente tatuaggi, tu porta rispetto, chi si paga ogni gesto. Quindi paghi tardi o presto, la mia squadra oggi è il jackpot. Dico solo ciò che penso, che rinchiuso con Nintendo. E già pensavo all'extendo, gli affari, cucinati. Cucinati, ho dell'oro tra le mani, ho dell'oro tra le mani.